pour ta retraite. Mais ils traitent comme un vaurien, ils s'en foutent de tes besoins. Ils veulent juste que tu te soumettes. Parle pas et obéis, surtout ne cherche pas à savoir. Pour eux on est débiles et quand on s'exprime c'est maladroit. Alors je lève la voix, je deviens soldat de ce mouvement. On m'a dit fais gaffe à toi, tu ferais mieux d'y aller doucement. Mais je te jure j'y arrive pas, je me sens trop impliqué. Si Macron c'est l'allumette, nous on est devenus des briquets. Rien n'est impossible, ensemble on se doit d'y croire. On est juste des gilets jaunes, on pratique pas la magie noire. Ne salue pas les antifas, moi je les vois sauver des vies. Te protéger de tous ces flics qui cherchent à tirer dans le visage. Nos convictions et nos idées, c'est du concret pour cette planète. La République en marche, il serait bien temps que tout ça s'arrête. Les accords sont signés, y'a tous ces peuples que l'on achève. Ils ont vendu notre pays, on est dans la rue, on le rachète. Aou, aou, avec ou sans gilet. Aou, aou, nous on sortira crier. Aou, aou, pour nos frères enfermés. Aou, aou, dites-moi quel est votre métier. Aou, aou, avec ou sans gilet. Aou, aou, nous on sortira crier. Aou, aou, pour nos frères enfermés. Aou, aou, dites-moi quel est votre métier. Manif non déclaré, frérot dis-moi si tu viens. La violence elle va te choquer mais elle touchera pas Brigitte Julien. Ces corrompus se protègent, gardien de la paix nous attaque. Des flashballs, ouais des matraques, des poucaves et des agames. Dors même si ça caille, certains y vont même en famille. On se voit devant l'Elysée, comme pour la prise de la Bastille. Peu m'importe ce que tu vas dire, mais essaye de comprendre. C'est soit t'es un actif, soit t'éveilles des consciences. Attention quand tu y vas la première fois, ça peut te rendre hystérique. Les voir taper des femmes, des handicapés, des street medics. On se laisse plus endormir, le peuple en plein réveil. J'ai pas dit que ça allait changer, mais nous en tout cas on essaie. Nos convictions et nos idées, c'est du concret pour cette planète. La République en marche, il serait bien temps que tout ça s'arrête. Les accords sont signés, y'a tous ces peuples que l'on achève. Ils ont vendu notre pays, on est dans la rue, on le rachète. Aou, aou, avec ou sans gilet. Aou, aou, nous on sortira crier. Aou, aou, pour nos frères enfermés. Aou, aou, dites-moi quel est votre métier. Aou, aou, avec ou sans gilet. Aou, aou, nous on sortira crier. Aou, aou, pour nos frères enfermés. Aou, aou, dites-moi quel est votre métier. Je te l'ai déjà dit, la rage du peuple, je la vois tous les samedis. On a plus un frein, j'en vois qu'ils sont prêts à rétis. Ils nous prennent pour des abrutis, Macron rigole des mutilés. Je provoque la chute de ton gouvernement, crois pas que j'ai plus d'idées. Y'a des gamins, des darons, des black blocs, des anciens. Des pantins au galon, j'vis taloc, j'suis un chien. Guerre civile au Chili, en Chine, à Barcelone. Rappelez-vous qu'on est des millions à batailler contre un seul homme. Déjà bien loin cette époque où on sortait gueuler pour l'essence. C'est la guerre, y'a des feux, des barricades dans tous les sens. Rappelle-toi qu'ils nous pourchassent dans les petites rues comme des gnous. Donc j'suis pas de ceux qui demandent aux policiers de venir avec nous. Nos convictions et nos idées, c'est du concret pour cette planète. La République en marche, il serait bien temps que tout ça s'arrête. Les accords sont signés, y'a tous ces peuples que l'on achève. Ils ont vendu notre pays, on est dans la rue, on le rachète. Aou, aou, avec ou sans gilet. Aou, aou, nous on sortira crier. Aou, aou, pour nos frères enfermés. Aou, aou, dites-moi quel est votre métier. Aou, aou, avec ou sans gilet. Aou, aou, nous on sortira crier. Aou, aou, pour nos frères enfermés. Aou, aou, dites-moi quel est votre métier.